les jeudis douteux. Chaque jeudi à l'Atomique Café, 3606 rue Ontario Est. Chaque semaine, un classique de la TV du passé, un set de VJ invités et un film louche. Les jeudis douteux à l'Atomique Café. Apporte ton sourire et tes cousines, puis dis-leur que c'est toi qui paye parce que c'est gratis. Hello, my name is Andy Waddy. I'm listening to 70% at UQAM. I'm enjoying myself. There are a lot of nice people around. À 70% ce soir, vos chroniqueurs sont Kevin, Marie-Pierre Simard, Mathieu Boudreau, Damien Blasbouchard, Alexandre Larocque et Emmanuel C. Séguin. Ça a l'air qu'il est bien bon, lui. Joe Pirate, pourquoi pas les deux? Couragez de se questionner. Faites attention dans les escaliers. Un chihuahua qui est conduit une Porsche. Un gouvernement qui contrôle la poche. Un robot du futur qui veut du beurre de peanut. Se brûler au bronzage, c'est considéré hot. Tu vas tout pour plaire à ceux que tu connais pas, pote. T'as pour l'important dans ton agenda. Quand tu prends deux secondes pour ouvrir les yeux, tu vois que dans la vie, c'est plein de trucs tout deux. Je le vois dans tes yeux. Que tu trouves ça douteux. Je le vois dans tes yeux. Que tu trouves ça douteux. T'as couragé de se questionner. Faites attention dans les escaliers. Pourquoi dans les films classés 13 ans, les hélicos explosent tout le temps? Y a-tu quelqu'un qui peut m'expliquer les couleurs des ceintures de karaté? Pourquoi y a des enfants, des annonces de char pour plusieurs, des barbeaux, c'est des œuvres. Merci encore une fois à Jocelyn Thérien et toute l'équipe de la chanson. Quand même pas pire, ça. C'est notre nouvelle Toon Theme. Ça a été fait avec le gars qui a fait tous les albums de RBO et des Bleu Poudre. Fait qu'on a travaillé avec un de mes idoles de jeunesse. Ça a été quand même capoté, ça. Nice. Pas pire, ben oui. Je te trouve succinct. Succinct? Ben oui, ben oui. Ça faisait quoi, ça, succinct? Je vais revoir dans ton dictionnaire, sinon... Bon, ben, je m'achète un dictionnaire. Non. En fait, ça veut dire court et précis, je te dirais. Ah oui, oui, peut-être je un suis... un petit peu plus. Oui, oui, c'est non, ça. Mais j'aimais bien la passe dans la toune où il disait les couleurs de ceinture de karaté, parce que c'est vrai que c'est vraiment compliqué. Oui, il n'y a comme pas d'ordre, hein. On non, pense pas genre, du, pourquoi il y a la du couleur foncé. Brune? Oui, oui. D'habitude, c'est l'époque du show où je parle avec Bruno de la semaine, mais Bruno, il est un petit peu en retard. J'ai confiance qu'il va arriver. Fait que je vais t'appeler Bruno pendant un instant, Vincent. Pas de trouble. Pas de trouble. C'est le nom que j'aurais voulu avoir. Cette semaine, il est arrivé quand même deux, trois affaires assez impressionnantes. Et celle qui revient en premier, je pense, c'est le nombril de Noémie Dufresne. As-tu vu ça? Non. C'est la jeune femme, c'est une vedette. Ouais, je sais c'est qui, là. C'est mais ça, ouais. Mais elle a sorti son nombril. Ben oui, parce que là, elle a sorti son autobiographie. Quoi? Elle a sorti un livre! Ben oui. Ben voyons donc! C'est sûrement qu'il y a des images dedans, mais en attendant, le titre du livre, c'est « Un like à la fois ». Et ça, et sur le dessus, est en train de se poser en selfie et peut-être dans un miroir ou peut-être que c'est quelqu'un qui la pose, qui tient son Kodak comme si elle faisait semblant de se poser. Mais il y a du méta quelque part, ça, c'est sûr. Ouais, parce en que... tout cas. Et tu te souviens quand tu avais 19 ans, tu dois pas être trop loin. Là, j'ai 27, fait que ça fait quand même... Tu dis ça à ta moustache? Ouais, je sais, mon pin, je suis pas au courant. Ouais, en tout cas, tout ça pour dire que, tu sais, nous, sur Douteux, sur le groupe et le reste, Noémie Dufresne, souvent, ça polarise, parce que c'est une discussion un petit peu à la Jérémy Gabriel. C'est que là, si t'aimes pas ça, t'es pas obligé de la suivre, parle-en en mal, parle-en en bien, elle est contente, ça lui fait des likes et ça lui fait du... Je veux pas de l'exposure. Mm. Et je sais pas comment qu'on peut faire pour passer au travers de ça. De Noémie Dufresne, passer au travers d'elle? Ouais, genre. Ben, je pense que c'est assez facile de passer au travers de Noémie Dufresne. Tu veux dire? Ben, dans le sens que... Non. Ce que je voulais dire, c'est qu'elle n'est pas tant marquante que ça. Je veux dire, Ça, c'est vrai. Je veux dire, on a juste à pu liker ses publications. Est-ce qu'on peut faire ça ensemble? Hein? On pourrait-tu arrêter? On pourrait s'offrir ça, là. Surtout que là, Noël déborde de l'Halloween en plus. On vit une période très sombre et je pense qu'à un moment donné... parce que t'as vu comment Catwork, c'est dégueulasse? Oh non, j'aurais pas dû dire ça. On s'en crisse comment Catwork, hein? On peut s'en crisser. Au pire, elle va faire un statut sur Douteux, puis... Ça serait weird, ça. Ben non, elle est bien trop big. Elle ira pas sur douteux. Y penses-tu? Tu penses, non? Colin, on reçoit Noémie Dufresne. Imagine-tu l'avoir ici comme invité? Ça va sentir différent dans la pièce ici. Ah ouais, ce monde-là, ça se parfume en esti. Toi, tu te parfumes-tu? Parfois, ma blonde m'a acheté un parfum, ça fait une couple d'années que je l'étire. C'est comme un bon vin, ça devient ouais, meilleur. Ouais, non, c'est ça. Il sent très bon et il s'appelle The Man. C'est comme pour peser dans la balance un peu avec ma puberté qui n'est jamais arrivée dans ma vie. Tranquillement, faut que tu believes. Une puberté à la fois. C'est le titre de mon autobiographie. Ah ouais. Sinon, ben, vous l'avez peut-être reconnu, s'il vous plaît, on peut l'applaudir, mesdames, messieurs. Vincent Richer, oui, ce n'était pas Bruno Corbin. Eh non. Toi, Vincent, es-tu au courant de ce qu'on fait à 70% ou 2.org et tout? À moitié. À moitié, j'adore ça, c'est diplomatique. Quelle moitié tu connais, le bas ou le haut? Je connais la moitié Simon Portelance. Non, en fait, je sais que c'est les films weird, douteux un peu. J'aime l'univers. Ça va j'ai aucune attente, j'ai aucune idée. Ah ouais, c'est vraiment pas dans quoi je me suis embarqué. OK, mais là en fait, je pensais que t'étais vierge. J'ai vu tes photos et tout, puis j'apprends que t'as une blonde, fait qu'on va être obligé de sacrifier quelqu'un d'autre. Mais ça devrait être une belle soirée quand même. Oui, sinon, t'es un fan de cinéma? Oui, j'ai presque terminé des études en cinéma au cégep. Ah, c'est sapristi, hein? J'ai fait 3 ans et demi en cégep, qui est un programme de 2 ans. Ouais, je connais art et lettres. Et c'est ça, et j'ai toujours pas T'as fait ça dans quelle ville? À Saint-Jérôme. Saint-Jérôme représente le début de la frontière, de ce qui se passe de l'autre bord. Hein. C'est ça, exactement. Trips, parce que, en fait, moi, j'ai appris pourquoi Saint-Jérôme, c'était la porte du Nord. C'est que dans le temps, il y avait l'autoroute qui était à péage. Okay. Fait que là, si tu te rendais jusqu'à Blainville, ça te coûtait une pièce à toutes les fois. Si tu te rendais jusqu'à Saint-Jérôme, ben là, il fallait que tu payes 4 fois une pièce. Tu étais tanné de ralentir en esti. Ah, je pensais que ça avait rapport avec le train, puis le curé Labelle. Aussi, peut-être, ces affaires-là. Puis le fait que, t'sais, comme tout d'un coup, t'es dans le Nord. Mais là, le curé Labelle, c'est-tu quelqu'un ou une route? Mais le curé Labelle, c'est vraiment quelqu'un. Il y a une statue même dans le centre de Saint-Jérôme. De lui, c'est celui qui est arrivé et qui a fondé Saint-Jérôme, qui une fois était aussi important que Montréal peut l'être aujourd'hui. Ah, sacrifice, hein? Ça a duré pas longtemps, là. Ouais, non. ça a duré le temps du film. Lui, il avait pas. Il avait vu venir les hordes de retraités. Oui, c'est ça, exactement. Et de prisonniers qui. Voilà. Non, mais parce que beaucoup de monde se demande pourquoi est-ce que Saint-Jérôme, c'est une ville avec un haut taux de bien-être social. C'est parce qu'il y a une prison. Et les prisonniers sortent de prison et comme ils n'ont pas d'argent, ils sont ben, on paye un appart. Puis ouais, puis il y a sûrement des jobs au Costco puis au Walmart. Ah oh, oui, oui. Oui, on le souhaite en tout cas. Ah ok, je suis là. Ben oui, hey! on savait. Bruno Corbin, mesdames, messieurs. Hey, on était en train de parler de Saint-Jérôme, il était temps que t'arrives. t'as manqué le dossier Noémie Dufresne, par contre. Ah. Et t'es juste au bon moment pour entendre la bonne nouvelle. Vincent Richer, est-ce que tu joues à Magic? Non. Mais non, mais non. Je joue à des affaires bien pires que ça. Je joue à Minecraft ou... C'est quoi pire? Non, ok. C'est peut-être vraiment pas la bonne place pour dire ça, je pense. Wow. Moi, je passe mon temps dans des vraies valeurs. J'ai des cartes Magic, mais je sais pas comment jouer. Tu me les donnes-tu? Oui. Tu me les donnes? Regarde la caméra, dis « Je donne mes cartes Magic à Tommy ». Je donne mes cartes Magic à Tommy. C'est sûr que c'est recevable à quelque part. Est-ce qu'il y a un notaire dans la place? Moi, comment je jouais à Magic, peut-être tranquillement là, en fait. Ah, après, on a un notaire, bon. Ouais, non. Sinon, je vais te raconter comment j'ai rencontré Simon Portelance, parce que c'est un petit peu par la bande. On connaît aussi Yves, ton gérant. Oui. Très sympathique, d'ailleurs. Simon Portelance, je l'ai rencontré parce que moi, avant, j'ai eu une quête à un moment donné. Je voulais trouver quelqu'un qui trouvait Stéphane Rousseau drôle. Ça a dû être dur. Ça a été très, très dur. J'ai été 2 fois en France. J'ai demandé à du monde de toutes les... Attends, en France, le monde disait que non? En France, le monde disait que non. Ben, en fait, je ne suis pas allé longtemps. Je n'ai pas parlé à beaucoup de gens. C'était moins mon but là-bas. Mais tu t'es tenu proche dans des shows Franck Dubosc ou quelque chose? Mais ça a été une des questions que je posais le plus à tout le monde. Et là, finalement, j'ai trouvé quelqu'une ici un lundi à un moment donné. Là, OK, mais là, pas parce qu'il est beau. Non, puis là, elle m'a conté des jokes qu'elle trouvait drôles de lui. Et là, j'ai OK, d'accord. Il fait des jokes? va pas là, Doudou. Je suis allé, je suis revenu, c'est fait. Et là, passé ça, je me suis dit, ben là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de trouver quelqu'un que son idole, c'est Francis Reddy. Tu sais, parce qu'à un moment donné, t'arrives comme au bout d'une quête, puis tu te dis, ça va être quoi ma prochaine? Là, j'ai essayé ça. Et j'ai trouvé, à un moment donné, Simon Portelance sur Internet, qui m'a convaincu que son idole, c'était Francis Reddy. Ça a été un des exercices les plus drôles que j'ai vécu de ma vie. Il me citait des affaires, il imitait Francis Reddy. Ouais, ouais. Là, je parlais du KY et des hommes, puis là, il faisait « Ouais! » Okay. Et donc, au travers de ça, on a développé une amitié, moi et les Portelance, parce que ça vient comme en paquet de deux, ces affaires-là. Ouais, ouais. Ouais. Sinon, ben merci d'être avec nous, Vincent. Ça fait plaisir, je suis très content d'être là. Ben, t'es bien mieux. Est-ce qu'on va avoir... c'est à propos, c'est à propos. Est-ce qu'on va avoir la chance de t'entendre à la fin du show? Vas-tu nous faire un petit bout de stand-up? Non. Okay. Oui, ben oui, ben oui. Ah, ben, c'est comme tu veux. Oui, c'est ça. T'es-tu game de lever tes bras? Si je suis game de lever mes bras? Lève l'autre. Non, je suis vraiment chatouilleux, mais j'ai genre trois épaisseurs de linge. C'est vrai, c'est vrai. Peux-tu enlever ton col? Ah non, la joke était morte anyway. Ouais, je pense qu'on est prêt pour commencer 70%. Let's go, technicien d'amour. Ça va être Bruno en plus. Non, non, non, non. Ah! Voici maintenant les manchettes internationales avec Bruno Corbin. On commence tout de suite avec les nouvelles du sport. Les célébrations après un point ou un match gagné dans le sport professionnel sont courantes, mais il ne faut jamais oublier qu'elles peuvent engendrer des blessures. C'est ce que Ross Martin a réalisé à la dure suite à une victoire de son équipe de baseball, les Blue Jays, face aux Orioles de Baltimore. Surexcité de la victoire de son camp, le receveur a donné un si gros high-five que son auriculaire aurait fendu, nécessitant des points de suture. On annonce qu'il pourra jouer la prochaine partie. C'est quand même un peu drôle. Hein? Ouais. Ce patch-in millionnaire, on en a besoin. OK, next! Oui, deux femmes de Fayette County en Virginie-Occidentale ont laissé une note sur leur porte d'entrée avertissant les gens de mesures prises pour empêcher les délateurs de les dénoncer. La note précisait « À cause des mouchards, chaque personne qui entre dans ma maison est sujette à être fouillée. Les téléphones et les drinks devront rester à l'extérieur. Si vous n'êtes pas un mouchard, vous ne serez pas offensé si je vous fouille. » Lorsque la police s'est présentée sur les lieux suite à une plainte pour vol de voiture, ils ont remarqué la note et ont questionné les résidentes sur la possibilité qu'il y ait des narcotiques sur les lieux. Les femmes ont accepté que les policiers fouillent leur résidence et ils auraient trouvé des narcotiques sur les lieux. Quelle surprise! Les deux femmes ont été arrêtées pour possession de substances contrôlées. La bonne nouvelle, 70%! Si tôt! C'est le retour, oui. Okay. Ben, c'est ça, je me disais, je vais leur donner, là, ils ont hâte. On a été patients. Vous adorez l'odeur de votre nouvel ordinateur Macintosh et aimeriez pouvoir le sentir chaque jour, mais n'avez pas les moyens de vous acheter un nouveau Mac à toutes les semaines? Qu'à cela ne tienne, la compagnie d'accessoires pour produits Apple 12 South a développé une chandelle aromatique à l'odeur de nouveaux Mac. Vous pourrez maintenant penser à votre ordinateur dans la cuisine, aux toilettes, même pendant que vous dormez grâce à cette chandelle disponible au coût de 24 US. Ben voyons donc! 24$ pour mais une c'est chandelle? C'est si peu cher payé comparé à un Mac. À un nouveau Mac, ouais, on s'entend. C'est vraiment weird, ça. C'est quoi, ça sent la sueur d'enfant puis la manutention? Ça sent l'anticipation et la crainte, je pense, un peu aussi. What? Ouais. Est-ce que c'est con? L'excitation et l'anticipation. Ouais, c'est sûr. Mais une autre, on pense ouais, je peux en faire une autre. À moins qu'on parle de Mac, mais je pense qu'ils n'ont pas besoin de pub, là, qu'ils mangent la marde. Ouais. Je lis ça sur un iPad, en passant, pour ceux que ça intéresse. Un Ontarien de 25 ans se remet de blessures infligées par une voiture qui lui a roulé dessus. L'homme serait également responsable de s'être roulé dessus avec sa propre voiture. L'homme aurait en effet démarré sa voiture et tombé ensuite du siège conducteur, laissant la voiture rouler sur sa jambe. L'homme a été transporté à l'hôpital. L'alcool aurait joué un rôle dans cet incident. Ben oui. Merci Bruno. On va te revoir plus tard dans l'émission. Oui. De toute beauté. T'aimes-tu ça les nouvelles à date? Ça va bien? Oui, je trouve ça drôle. C'est pas pire. C'est drôle, les nouvelles, hein? Je me demande si le parfum de Mac s'est fait avec des résidus de Steve Jobs. Ça surprendrait. Ouais. Il mélange les cendres. Ce serait vraiment cool, par exemple. Ouais. Tu sais, s'il faisait, mettons, une chandelle en gras de Steve Jobs. Ça coûterait plus que 24$. Ouais, piastres, il avait l'air assez maigre à la fin. Là. C'est ça que ça fait, ces maladies. Mais ben, c'est là, peut-être hein. ça, justement. C'est parce qu'il faisait des chandelles. Trop de chandelles. Avant de mourir. Ah, t'es con. Merci, Bruno. On va revenir plus loin. On va développer une relation spéciale, toi et le technicien. Vincent, j'aimerais ça que tu dises au technicien, on est prêt pour le prochain. On est prêt pour le prochain, technicien. Ça se fait. Salut tout le monde! Bonjour! Je suis de retour pour ma nouvelle chronique sur les métros de Montréal et les débits de boissons adjacents. Hein? Et cette nouvelle chronique, un peu comme un nouveau disque d'Éric Lapointe, sera de loin ma plus personnelle. C'est sûr, oui. Tu t'es entouré des personnes avec qui tu es à l'aise. Non, mais c'est parce que cette semaine, le sort est tombé sur la station Laurier, à côté de laquelle j'ai habité lors de ma première année en tant que Montréalais. Et la station Laurier est à ne pas confondre avec Laurier Station, hein, le lieu de naissance du diminutif centre de Canadien David Desharnais. Située sur la ligne orange, cette station a été nommée en l'honneur du très honorable Sir Wilfrid Laurier. Vous savez, le gars sur les 5 piastres, hein? Très honorable. Oui, ben, c'est son titre. C'est son titre. On va lui donner. Wilfrid a été notamment à son palmarès un mandat consécutif de 15 ans comme premier ministre de 1896 à 1911, un record parlementaire, en plus du record pour le plus grand nombre d'années comme membre de la Chambre des communes avec 45 longues années au service de la nation. Ajoutez à ça qu'il est le premier ministre francophone de l'histoire du Canada, ce qui a pas mal aidé à cimenter une bonne base libérale fédérale au Québec. On n'embarquera pas là-dedans ce soir. Là. Il aurait également, selon plusieurs sources et conjectures, un fils illégitime en la personne de Armand Lavergne qu'il aurait eu avec la femme de son associé. Hein? Un petit détail crunchy. Spotted. Depuis qu'ils ont fermé Gawker, hein, chance que t'es là. En tant que tel, la station de métro Laurier est assez terne hein, avec son beau décor en granit gris. Notez les deux édicules assez espacées qui sortent à chaque extrémité de la rame de métro, une sur rue Laurier et l'autre sur Saint-Joseph. Je me suis d'ailleurs perdu la première fois que je suis sorti sur Laurier au lieu de Saint-Joseph. Je vous le rappelle, j'étais jeune et rustique encore à cette époque. Également, il est intéressant de remarquer les espèces de fantômes sur les bancs de la station, à des traces laissées par les nombreuses personnes qui se sont assises sur les sièges, laissant des silhouettes un brin spooky sur les murs derrière elles. J'aurais bien aimé retourner au bar chez GP, qui était vraiment juste à côté, sur la rue Guilford, mais depuis le temps, ça a été remplacé par une épicerie naturo, bio, écolo, socio, communautaire. Boring! Chez GP avec un G, pas un J. Le CGP, c'est l'abréviation évidente de Jean-Philippe. GP, c'est plus difficile à déterminer, comme Gaétan, Paul, Guy, Patrick ou Guillermo, Pedro. Je sais pas, on ne saura jamais. Bref, chez GP, c'était pas mal le genre de place où j'allais me prendre une grosse broue en après-midi pour profiter du pool gratuit sur la table qui datait clairement de la Deuxième Guerre mondiale. Comme en témoignaient les boules craquées, le tapis racorni et la surface digne d'un champ de mine. De toute façon, les queues étaient croches, ça fait que ça s'annulait pour une expérience unique. Je me suis donc rabattu sur le next best thing en matière de débit de boissons louches dans le coin de la station Laurier, un endroit toujours ouvert, lui, malgré qu'il semble vouloir tomber en décrépitude de plus en plus à chaque visite, et j'ai nommé le bar La Remise. On connaît. Ne vous laissez pas berner par l'extérieur anonymement brun et les portes de grange vraiment glauques pour y entrer, c'est pareil à l'intérieur. Le bar La Remise, je l'ai déjà vu dans un top 5 des bars les plus crades à Montréal. Fun fact, sur le top 5, j'en avais visité 3 des 4. Là, si vous suivez, il en manque un. L'autre, il avait été retiré pour propos discriminatoires parce que le patron s'était plaint, là, en tout cas. Bref, c'est une paupière moyenne au bâton. Bon, j'ai l'air de peindre un portrait assez sombre de l'endroit, mais la réalité, c'est que les soirées karaoké là-bas sont pas mal le fun. Ils s'y mélangent des jeunes trendy aux vieux piliers de taverne, notamment la charmante dame qu'on appellera Monique, qui a de la misère à marcher, mais qui se lève trois fois par soirée pour aller chanter ses vieilles ballades de soprano trémolo. La grosse bière est vraiment pas chère et vous pouvez y jouer au jeu qu'un ami et moi avons inventé, le jeu Spot le dealer de poudre. Ça se joue dans plusieurs établissements. Oui, oui, oui. Ben, c'est justement, c'est drôle parce qu'on se disait, c'est sûr qu'il y a un code pseudo-sport avec une vieille casquette avant de se retourner pour effectivement le spotter dans un temps record de 12 secondes. Suspicion confirmée lorsque je me suis retrouvé bien malgré moi au cœur de ces transactions illicites en allant soulager le petit Jérémy à l'urinoir. En conclusion, pour l'ambiance éclectique, la décoration intemporelle et la machine à coups de poing, je donne au bar la remise, une note de do faussé à 2h30 du matin. Merci. Merci. Emmanuel, mesdames, messieurs! Capoté. Il est pas allé chez Allaire. Ouais, mais ben, pour vrai, dans le métro Laurier, il n'y a pas tant de... Même la ben, c'est ça, il y a la taverne Laurier qui était l'extérieur de chez Allaire dans Ouattatata. Ah oui, ouais. OK, oui, oui, plus vers l'ouest plus, ouais, de exactement. Saint-Denis. Près ouais, au coin de juste Drolet. À côté du poste de police. Voilà, juste c'est en ça. Face du poste de police. On commence à être Montréal, plus 2, ouais, plus 3. Ouais. Vous connaissez donc bien ça, ce coin-là? Ben écoute, ouais. On vient... Ouais, ouais, ça fait longtemps qu'on est là, nous autres. Ah ouais. Check, c'est du vrai poil. Puis il est blanc, pour vrai, c'est pas moi qui l'a teint, là. Non? Non, non, ben non. T'es-tu prêt pour le prochain? On est prêt pour le prochain? Il signifie ça ou... On est prêt pour le prochain! Ici Botrax. Moi, les pétrolières, j'en ai plein le cul. Ça, c'est pourquoi j'utilise Tough Oil. Tough Oil. Tough Oil. Je me pogne une canne à 20$ sur toughoil.ca. Je chaque ça dans mon élémentaire. Ça me dure l'année. Ça me fait économiser des centaines de dollars en essence. Pis c'est des centaines de dollars que je donne pas aux pétrolières qui mangent la merde. C'est pour ça que j'aime Tough Oil et que je m'en commande sur toughoil.ca à la caisse. Toughoil.ca, ça te dérange les pétrolières. Hey, lui aussi, il était prêt. La prochaine. C'est le 3D de Dadidé. Bonsoir tout le monde. Salut Marie-Pierre. Salut. Pour commencer, je voudrais vous souhaiter une bonne action de grâce. C'est important, merci. C'est très important. Oui. Moi, je suis une fille qui tripe vraiment sur les fêtes. Surtout avec l'Halloween qui s'en vient, c'est très cool. Alors, j'ai décidé de vous parler d'un sujet puis de rester dans la thématique des fêtes. Et de vous parler de Pâques. OK, oui, il n'est jamais trop tard pour se préparer aux activités pascales. Okay? J'adore ça. Là, je vais vous parler de Pâques, mais je vais surtout vous parler de l'eau de Pâques. Mais qu'est-ce que l'eau de Pâques? Mmh. Bon, il y a certains qui se demandent c'est quoi de l'eau de Pâques. Ça, dans le fond, c'est selon une légende. Quand Jésus a eu sa résurrection, il est sorti du tombeau, puis il a décidé de se laver dans l'eau. OK? Et là, ça l'a fait danser le soleil. Oh, il y a deux gars. Il comme... y a deux gars, ils étaient là. C'est très, très cool. C'est mieux qu'un trip d'acide encore. Alors, d'ailleurs, c'est devenu comme une tradition, le cueillette d'eau de Pâques, dans ma famille aussi, d'ailleurs. Ça, c'est comme des gens trop motivés qui se lèvent le matin de Pâques avant la levée du soleil pour aller cueillir de l'eau dans une rivière, dans une montagne, blablabla, et l'embouteiller. Ça, c'est une meilleure activité que le bal en blanc. OK? Et si tu veux... Tu peux aussi amener ta bouteille d'eau de Pâques au bal en blanc, ça purifie les drogués. C'est ce que j'ai entendu dire. Tu peux-tu la prendre du robinet ou il faut absolument... Non. Il faut que le soleil touche. Tu sais, il faut vraiment que ça soit dans une autre source naturelle. Ouais. Attends, je peux-tu prendre de l'eau du robinet, la mettre sur le balcon, le soir précédent? Tu peux essayer, mais tu vas avoir des mauvaises surprises. Parce que ça soit de l'eau courante naturellement. Okay. Exactement. Et que tu sois sous en tabarnak. Ouais, ouais, c'est ça. Okay. De mon expérience. Ça faisait partie du calcul. Oui, ça fait partie du calcul parce qu'il écrit ce manteau à ce moment-là. Mais là, l'affaire, c'est que l'eau de Pâques, selon les rumeurs, c'est une eau qui est bonne à vie. Tu peux la boire toute ta vie. Genre, 20 ans plus tard, il n'y a aucun problème. En plus, ça guérit des maux, comme la diarrhée. Fait que ça, c'est le fun quand tu as une soirée trop arrosée au buffet chinois, mettons. Le lendemain, tu peux boire de l'eau de Pâques. Tu pioches dans ta réserve. Exactement, exactement. Mmh. Fait que là, moi, j'avais envie, dans le fond, qu'on teste la marchandise ensemble. Tu sais, un peu comme un vin et fromage. J'ai jamais de l'eau de Pâques! Ben oui, mais en place, ça va être eau de Pâques et biscuits soda. OK? C'est le fun. Là, on va se rendre compte si c'est vrai, mettons, que l'eau de Pâques veille aussi bien que les vins. C'est sûr qu'on va se rendre compte ensemble aujourd'hui parce que mon père, il a une collection d'eau de Pâques. OK? Des 30 dernières années. Non! Okay. Non! Là, on va boire ça, là. En fait, j'espère que... Ah, mon Dieu, c'est dans des cartons de lait. Rien, là, mais... Alors, on va commencer avec la 2009, mais j'inviterai, s'il vous plaît, mon assistante sexy à venir porter les shooters, s'il vous plaît, et les biscuits soda, pour que tout le monde puisse... Les choses se passent. Il y a des choses qui se passent ce soir. Noémie Dufresne. Ouais. C'est ce que est devenu. J'avais Noémie pas le goût d'en boire avant que tu arrives. Allez. Moi, je suis pas c'est croyant, puis je pense pas que ça soit vrai cette affaire-là. Oui, c'est vrai. C'est très, très vrai. Ah, c'est oui. Très vrai. OK. Très alors, ici, on commence avec une excellente bouteille, un 2009. C'est un cépage de Radun, OK? Comme c'est une année forte en émotion au Québec. Dans l'actualité, Guy Turcotte tue ses enfants, la famille Chafia, on sait ce qui s'est passé. Et ensuite, TQS devient VTL avec Éric Salvaire comme mouton noir. Alors, nous avons une pastille corsée et charrue. Shooter! Très liquide. C'est très liquide, mais 2009, c'est pas si pire. C'est pas si pire. À queue. À queue. C'est pas si pire. Ouais. Ouais. Humide, un peu mouillé. Là. Un peu mouillé, ouais. Un arrière-goût très humide. C'est ça, mais là, on est juste en 2009 encore. Oui. Alors maintenant, nous sommes en 1994. Oh, tabarnak! Où a lieu le mariage du célèbre couple Angelil et Céline Dion. C'est vraiment comme le... Ça vient d'un entrepôt, d'un fridge quelque part. C'est presque il y a même creep, pas de fridge. T'sais. Oui, c'est creepy un peu. Il y a de l'eau avec des dents à piocher dans sa réserve personnelle. Oui, c'est cool, hein? T'es content? Je me touche un peu, là. OK, donc, comme c'est le mariage Angelil et Dion, ici, on a une pastille fruitée et généreuse. Malheureusement, depuis la mort récente de René, la pastille a changé pour corsée et fumée. Shooter! De Pulp Fiction qui gagne pas l'Oscar. Oh boy! Je suis le seul qui est nerveux de boire de l'eau qui date celle-là, de 1994. Celle-là, j'ai pas envie de la finir, celle-là, un peu. Plus terreux. Est-ce qu'on était à Rodden encore? Un petit biscuit. Ah, y a des biscuits. Tu veux-tu finir la mienne? Je trouve qu'elle goûte le gazon un peu, moi. Est-ce que c'est le corps du Christ? Oui, c'est le corps du Christ, exactement. Amen. Ça. Et ensuite, OK, on va enchaîner, c'est dégueulasse celle-là, avec le dernier, 1981. Oh, hein? Tabarnak! Ouais, un cépage de Saint-Venant de Paquette. 1981, c'est une année marquante hein, dans l'histoire du Québec, la nuit des longs couteaux, le rapatriement de la Constitution canadienne, et aussi le début des déboires de Claude Dubois, qui a été accusé pour trafic de cocaïne. Alors, nous avons ici une pastille amère et allumée. Shooter! J'y ai même pas encore goûté, j'ai déjà mal au cœur. J'ai pas le goût de boire de l'eau de avant que je t'aimais. C'est pas. Moi, c'est pas spécial, c'est juste un an avant, mais. Ah, mais vous savez que toute l'eau que vous buvez est beaucoup plus vieille que vous. Hein? Oh, hey, ça, c'est philosophique. C'est, Ben, mais en fait, elle la goûte meilleure ouais, que l'eau. Ouais, c'est vrai qu'elle est meilleure que la 94. C'est hein? Capoté, ton enfant. Elle est dans un pot en verre. Fait que si vous aimez, vous voulez pas en boire, vous pouvez aussi vous baigner nu dedans, seul ou en couple. Il paraît que ça régénère la peau, c'est moins agressif que l'urine, parce que oui, l'urine a les mêmes capacités. Vous pouvez aussi baiser dans l'eau, c'est peut-être une bonne moyen de contraception. Hein? Fait que merci beaucoup tout le monde, j'espère merci que beaucoup. Vous ne serez pas malade demain. Merci Marie-Pierre. Capoté. Oh, ça, tu te l'as mis partout. Ça a quand même passé subtil. Merci beaucoup. Là, à ton assistante. En fait, moi, j'ai lu à quelque part, parce que dans ma famille, au Témiscamingue, c'était une tradition ou un prétexte pour être sous en crise. Là, j'appelais ça comme tu veux. Mais j'ai lu plus tard qu'il paraît que parce que tu cueilles ça juste avant, au point de rosée, juste avant que le soleil lève, c'est là que toutes les bactéries sont au fond de l'eau. Parce qu'il fait plus froid, fait que là, les bactéries descendent. Et c'est pour ça que si tu apprends juste à la surface... C'est pour ça que l'eau est pleine de pouvoirs magiques puis de Jésus. Ça, on checkera une tweet, hein? Ouais, ben, en tout cas. Je faisais ça quand j'étais jeune, moi. Je viens d'avoir une dégustation d'eau. C'est quand la dernière fois ça t'est arrivé, ça? De faire une dégustation d'eau? Ouais. Genre, jamais. Oui, je comprends ce que tu vis. Je bois pas d'eau, ça goûte à rien. Fait que... Ben à cette heure, non, tu peux mettre des petites affaires. Ouais, non, mais c'est pas vrai, la deuxième à goûter en tabarnak. Ben c'est un galon plastique, ça fait genre 10 ans. Ben je sais pas si on garde ça dans un cellier ou... Ça doit vraiment être une des pièces les plus creep de la maison. Des cartons d'eau. Ben oui, c'est ça. T'es prêt pour le prochain? On est prêt pour le prochain. C'est bon, ça. Technicien. Hey, salut! Hey, je suis content! Tu veux ça? C'est parce que c'est un nouveau sport, ça. Non, c'est pas des jokes. Selon le jeu Kung Fu Rider, jeu à PS3, moi, dans les derniers temps, je fais des tu veux une photo, hein? C'est ça que tu veux? Bon, une photo. Moi, dans les derniers temps, je fais des petits passages dans les pharmacies pour acheter des jeux vidéo. C'est surprenant. Tu sais, parce que les pharmacies achètent les restants, tu sais, des magasins, puis ils revendent, puis ça coûte pas cher, puis des fois, on trouve des affaires bizarres comme ça, comme Fu Rider. Ben, en fait, le principe, c'est comme un peu un Tony Hawk, mais remplace les skates par des chaises de bureau. Pis c'est pas des jokes, là, c'est ça le but du jeu, tu sais. Attends, c'est ça le jeu tout le long, là? C'est ça le jeu tout le long, puis il y a une histoire, OK? OK. Mais là, je vais spoiler, mais on s'en calisse. Ben, oh, mais même si tu joues, tu vois. Il y a un détective, Tobin, et son assistante, Karine, qui tentent de s'enfuir de la mafia. Pourquoi? On le sait pas. Okay? On le sait pas. Puis là, je vais vous lire le scénario complet, OK? C'est bien ça. Là, un souffle. J'espère que Karine va s'en sortir. C'est tout. Non, c'est vrai. Au début de chaque tableau, c'est ça qu'il dit. Puis là, je me suis dit, je vais jouer jusqu'à la fin, je vais voir la fin. Mais la fin, il y a une petite affaire en rose qui est marquée « Vous avez terminé l'émission. » Puis elle s'en est sortie! Ben, elle s'en est sortie. Oh, yeah! Sais pas. Oh, oui, ça, on va dire. On va ben, dire. On sait pas. OK, parce que tu on sais pas. S'en est sortie! On sait pas! Le but du jeu, en fait, hein, c'est un peu comme... c'est un peu un mix de jeux de course puis de, justement, Tony Hawk et compagnie. C'est de te rendre du point A au point B dans une ville en te faisant courir après par la mafia qui essaye de te buter avec pas des guns, non, des longues perches puis des affaires la même. Puis tu peux faire des passes de kung-fu, genre, mettons, quand même, t'en viens, là. Puis tu peux botter. Tu veux? C'est ça. Puis ça descend en tabarnak, là. Non, mais je l'ai essayé, là. Puis moi, je me suis dit, hey, ceux qui aiment les sports extrêmes, là, sont en train de passer à côté de quoi, man? Puis tu nous en parles ce soir, bonne affaire. Oui. Non, moi, je l'ai essayé. C'est dangereux. Mais écoute, hey, check. Non, mais tu sais, t'attends le bus. Je vais continuer ma chronique de même. Non, justement, je pense. Puis moi, je veux former un mouvement. Ouais, à cette heure, on va remplacer les skates par ça à Montréal. Moi, j'aimerais ça. J'aimerais ça voir du monde. Voir du monde se promener en chaise de bureau. À roulettes de bureau. Mais dans le jeu aussi, il y avait des chaises de bureau. Il y a tu des peux petits modifier jouets. Ta chaise. Non, oui, tu peux modifier ta chaise, les bearings, puis ça. Mais tu peux avoir d'autres choses aussi, tu sais, les petits carrosses pour les valises. Le traditionnel carte d'épicerie tout aussi. Tout ce qu'il y a des roues qui se contrôlent pas, finalement. tout. Le pouf de salon. Bon. Exactement. J'adore. Moi, je me dis, à Star, tu sais, à la place d'aller au Roll-In, aller chercher un longboard, puis ça, on va aller au bureau en gros, tu sais, en gang, on va choisir la meilleure. Réinventer. On va aller descendre les côtes de Montréal avec ça. Genre. Mais en tout cas, non, mais c'est ça. Je voulais partir un mouvement. Qui embarque? Si bon, moi, j'embarque ça. Pas mal plus de monde que je pensais. Oui, Moutou, je pensais que ça allait pas. Non, c'est non. Il y a une hésitation quand même. Ils font ça juste pour te faire plaisir parce qu'ils t'aiment. Ouais, peut-être. Parce qu'ils ont peur de toi. Ouais, parce qu'ils me respectent. Ouais, ils me respectent. Penses-tu? Ah, peut-être. Je sais pas. Mais en tout cas, tout ça pour dire, je le recommande si vous le trouvez. Moi, j'avais jamais vu ça avant. Puis je te dirais, tu sais, de pourquoi tu ce jeu-là, je me suis demandé souvent. Puis la seule réponse qui m'est venue, là, c'est Japon. Tout simplement. Comme que, d'autres affaires. Ben, je vous le recommande. Puis je vous recommande d'aller vous promener dans les rues avec vos vieilles chaises. Ça va être super le fun. Qui me suit? Hein? Qui me suit? Allez, go. On y va. Merci, Alex. Merci. Je sais pas si le... Crème, hein? Je sais pas si les réceptacles à boisson sont nécessaires pour le casse aussi ou si c'est juste en option. Je pense que ben, oui. Bon, ouais. Moi, je dis que t'es mieux des avoir. Après ça, t'es là. Même si t'en as pas besoin, ils sont là. Là, à un moment donné, t'en as vraiment besoin. Ouais. Fait que là, ouais. C'est là déjà. C'est mieux d'avoir un gun puis de pas en avoir besoin de, que de pas avoir de gun puis d'en avoir besoin. Hein? C'est ça. Ouais, des fusils, ouais. Merci beaucoup, Alex, quand même. Hein. T'es-tu un fan de jeux vidéo, toi? Extrêmement fan de jeux vidéo. C'est même ça, tantôt, je vais vous parler de ça. Je suis vraiment un gros gamer. Fait que les jeux m'intéressent. Tu joues-tu à Smash Bros? Ouais, je jouais. Mais moi, j'ai joué à la version 64. J'ai jamais eu d'autres consoles de Nintendo plus tard. Fait que, ok. T'es un vintage Smash Bros. Genre Star Fox. Là, pis, Ah ouais, tu joues avec Fox, c'est courageux. Ouais, je fais mon shield. Ouais, je connais. Ouais. Okay. On va s'en reparler de ça. Qui peut changer de place. Merci. Let's go. On peut passer au prochain, je pense. Oui, alors. On s'en va au prochain. On est prêts pour le prochain. Mesdames et messieurs, à l'heure des technologies, veuillez écouter le message qui va suivre. Le Superflux, une émission surnaturelle à la radio. Ah, ou. Vous m'avez peut-être déjà vu avant dans le film American Beauty, film très connu aux Oscars. Je suis la beauté. Je ne suis pas difficile à trouver. Je suis dans les choses simples. Ma consistance est esthétique. Ma forme est plastique. Les plus grands écrivains m'ont demandé des conseils pour écrire des choses. J.K. Rowling est venu me voir avant d'écrire Harry Potter. Je sers aussi en publicité pour faire des annonces de REER des jardins. Je suis très utile pour expliquer l'univers du crépuscule au matin dans la voix de Charles Tisser. Au début, il n'y avait que des météorites de l'hydrogène. Mais avant de partir, je dois vous expliquer quelque chose. La beauté n'est pas quelque chose que vous pouvez échanger contre de l'argent. C'est de l'argent qu'il faut échanger contre la beauté. Je resterai avec vous un moment, mais avant, je crois que je dois partir. Mais avant, il faut que la chanson finisse et que le beat s'en aille et que vous fassiez avec moi. Fait qu'on vient de parler avec le sac qui volait dans American Beauty. On vient de parler avec une métaphore. Je pense que c'est pire de parler de métaphore. C'est weird. Ça aussi, c'est une métaphore. De quoi ça? Oh, si on descend là. Oh. Il faut aller plus profond. Ouais, oui, c'est ça. Amène-en un autre vite. Oui, on passe au prochain chroniqueur. Oh, ouais. Elle est bonne, cette tonne-là. Ah, c'est très bon. Ah, ici Kevin O'Bagnon, hein, le gars qui est pas capable de finir ses chroniques selon Pierre Duquette. Maudite erreur de Pierre Duquette. C'est même pas vrai que je l'ai volé, ton vélo. Je l'ai juste déplacé. Tu con, lui. Hey, salut, comment ça va? Moi, ça va bien, là. À part de Pierre Duquette, hein, le gars à Saint-Donat, loisir Saint-Donat. C'était un astide cave. Je dirais mon ami, mais c'est une connaissance. Qui, lui? Puis un ticket? Bon, je viens parler des crimes fromagers. Ça vous tente-tu? Parce qu'il y a un vice dans le monde qui est plus important que tous les autres, c'est le fromage. Hein, puis ça fait faire toutes sortes de crimes à plein de monde. Là, si ça vous dérange pas, je vais lire mon texte. Ben, pas mon texte, en fait, c'est juste des statistiques. Parce que je peux pas me souvenir de tous ces numéros-là, moi, voyons donc. Hein? Voyons Allons donc! Allons donc! Il y en a jusqu'à... Il y en a! Il y en a des criminels. Janvier de cette année, Wisconsin, 90 000 $ de parmesan volé. Maudit Hérode, hein? Une semaine plus tard, toujours au Wisconsin, un vol de 70 000 $ De fromage. De fromage. De fromage. Mais ça, c'est rien comparativement à un vol de parmesan de 2015 en Italie, OK? D'une valeur de 1 million de dollars. Un gros spag. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Un esti de gros spag. Hey, ben, oui. Les malfaiteurs étaient très sophistiqués. Il y avait des armes, il y avait des appareils électroniques pour déjouer les systèmes de sécurité et il y avait des équipements spécialisés pour pénétrer dans les forteresses d'or en lait caillé. Des forteresses d'or en lait caillé. C'est du fromage! Bon. Il y a eu des Canadiens qui étaient moins futés en 2015. Ils n'ont pas eu le même succès du tout. En fait, leur remorque contenant 30 000 livres de fromage s'est renversée. Maudit Hérode. Quel gâchis, hein? Un criminel accidentel de fromage, ouais. Apparemment, selon des chercheurs, ça serait l'aliment qui serait le plus volé au monde. Ouais, sans joke. Ça serait le fait que ça soit une quand même pas pire grosse organisation criminelle. Ça serait un mélange de petits criminels, de réseaux internationaux de contrebande et de restaurants un peu frauduleux. Il y a un réseau interlope de fromage. Oui, oui. Hey, c'est frambant en eux, là, ces nouvelles-là. Là. C'est cette année. Puis ça serait un mélange de ça, de contrebande et de restaurants qui font « Ah, ben tu sais, nous autres, on va rentrer du fromage par en dessous. » Puis tout ça, là, c'est que apparemment nos palais, ça serait raffiné depuis quelques années. Tu sais, on mange plus du Petit Québec, puis des Goldfish, puis du Cheese Whiz. Là, on mange du Brie, puis tout. Fait que là, ça a créé comme une demande. Il y a des restrictions, comme on sait, pour le lait cru. Tu sais, on peut pas en avoir partout. Fait que ça fait une demande, ça fait de la rareté. Puis ça fait que bon, il y a du monde qui sont prêts à payer le gros prix ou se mettre en danger, aller faire des crimes pour ça. Il y a la compagnie, ben en fait, l'agence de nouvelles Bloomberg, qui ont dit qu'ils ont fait une étude et ils se sont aperçus que dans la majorité des cas où ce qu'on vend du parmesan aux États-Unis, des grosses compagnies, ce n'est pas du parmesan. Faites bien attention! C'est n'importe quoi! Déjà, s'il est pré-rampé, là, c'est ça. Pose-toi des questions. C'est ça. Puis, il y a même ils l'ont eu un fait couper cas, de la coke ou quelque chose. Il y a eu un cas cette année ou l'année passée où il y a eu de la pulpe de bois mélangée à du parmesan. Ouais, mais attends, quelle sorte de Hérode. Bois? Le parmesan revient souvent. Ouais, hein, c'est le chef des fromages. C'est la pourgue. C'est italien, okay. Hein? C'est la pourgue, ouais, c'est gros. La poudre c'est des fromages. Fait que, en terminant, parlant d'une chose, une autre chose que j'aime bien gros, le corps du roi. Hein? Toi, le corps du roi, là... Il paraît que c'est le tissu le plus volé à je travers pas, le monde hein? à chaque année. Mais toi, le corps du roi, là, tu trouves-tu que ça donne pas à diarrhée? Ça donne pas. Ça donne pas à diarrhée. Il te parle. Vous êtes d'accord? Ouais, d'accord? C'est vrai. Ben, c'est vrai, hein? Ouais. J'ai pas mis le mien aujourd'hui, fait que salut. Merci. Kevin, mesdames, messieurs, les criminels du fromage. Hé, hey, parmesan pas. Sors. Non. Non, j'assume, c'est écrit sur les règles, il faut assumer c'est tout ça. Ce qu'on dit. C'est vrai. J'ai lu. Ouais, tu te le gardais de secours. Ouais. On va faire un jeu de mots plats. Ouais. Un jour, je vais prouver que j'ai lu les règles. il est très, très bon, bon jeu de mots. Hey, ici, Presti, ton premier 70%, ça va comment jusqu'à date? C'est merveilleux. C'est merveilleux. J'ai appris des choses. Toi, t'es un humoriste qui fait des pastèques. Oui. Parle-moi de ça un petit peu. Je roule ma bosse là, depuis j'ai fini l'école de l'humour en 2012, puis depuis je paye encore mes dettes d'études. C'est ça. C'est la réalité. Ouais. Oui. Non, c'est ça. Je fais des soirées. Que les shows que tu fais, t'es serveur dans quel restaurant? Comment? j'ai été très longtemps dans des restaurants. Une patate aussi, j'étais à la friteuse. Oh là. Yeah, rock and roll. 7 ans. Oh ouais, hein? Ouais. Puis, mais je veux dire, ouais, là, tu fais des shows. Ouais. Tu fais un show où prochainement si on veut aller te voir? Prochainement. Tu peux le dire. En fait, je suis. J'anime une soirée chaque mois au bar Le Vestiaire. C'est vrai de ça qu'on voulait entendre. C'est ça. Je suis pas bon pour me bloguer. Non. on va t'aider, on va l'avoir. Le Vestiaire, c'est où que ça se passe? Ça, c'est sur la rue Saint-Hubert, la Plaza Saint-Hubert. C'est une fois par mois. Ça s'appelle la cabine d'essayage. Vous pouvez me trouver sur Facebook. C'est des open mic. On reçoit 12 humoristes pas tout bons. Ben, c'est des open mic. C'est ça, fait qu'il y a des gens qui font ça pour la première quand fois. Quand même, là. Ouais, ça veut dire Jérémy Alain. Puis, oui, il vient souvent, Jérémy, c'est un de ceux qui GF dénommé aussi, ouais, tu vois GF ça. Aussi. As-tu déjà vu Alex Gosselin live? Alex Gosselin, oui, il est déjà venu sur ma soirée. C'est, bon, c'est une belle faune. Peut-être qu'on va se revoir dans le futur après que tu m'as donné tes cartes de Magic. Oui, je vais. Ça, pour vrai, ça va se faire. Ça pour suivre ça, ça se passe sur Facebook? Oui, on a une page Facebook. Ma page Facebook personnelle aussi, Vincent Richer. Tu fais des jokes avec des followers? Ouais, tu fais des selfies avec ton nombril? Non. Essaye, je ça sais, peut-être que ça marcherait, hein, parce que... Ouais, t'as les cheveux qu'il faut, en tout cas. Ouais, je sais. De dos, je peux ressembler à Noémie Dupont. Puis je twerk sûrement aussi mal qu'elle. Tu nous serviras ça, Vincent. En attendant, merci d'être avec nous. Il reste encore des chroniqueurs avant qu'on passe à d'autres choses. T'es prêt? Oui, on est prêt pour le prochain. On est prêt pour le prochain. Je ne l'ai pas vu, l'invité. Fait qu'on passe au prochain. Froucloup, c'est bon et c'est gras. Saveur de cerise, orange et les autres fruits. Yeah! Vous allez bien? On va bien. Vous autres, sur le plateau. Fait que moi, j'ai un diplôme en chanson, hein? Fait que c'est comme toi, là, je suis animateur de karaoké. On se comprend. Voilà, j'ai fait beaucoup plus d'argent que dans mon domaine. Hey, j'ai amené des petites fiches. Parce ouais, que, ben ouais, Boudreau j'ai des avec petites fiches. Ah, tiens, il y a une fiche qui tient mes fiches. Et c'est très drôle, hein? La semaine passée, c'était pas si drôle que ça. Non. Fait que, qu'est-ce que ça dit cette semaine? Ça dit « Vos parents ne vous ont jamais aimé et ne vous aimeront jamais. D'ailleurs, ils pensent au suicide plus qu'à vous. » Pas si drôle que ça, finalement. C'est tordinant. C'est comme ça. Alors, je t'ai vu faire des jokes un moment donné, toi, sur Mario Bros. Ouais. Je trouvais ça très, très drôle, mais j'étais sur le moche. OK. Puis moi, je trippe sur les thématiques. Tu sais. Ah, y'a le gros, les apparences sont trompeuses. Tu sais, comme la manière j'exprime ce que je suis, mon style, ma bitch, mon mode de vie, gros. Tu sais, comme moi, tu t'attends pas à ce que je sois généreux. Hein? Tu sais, ça, c'est comme un exemple. Excuse. Ah, il se magasine quelque chose. Ah oh, là, je te reconnais, si. Oui, je suis le gars qui avait des dreads la semaine passée. Ben ouais, c'est quoi, c'est Boudreau avec cancer? C'est ou? Parce que j'ai... Oui. C'est très, très drôle, ça, faire des jokes de cancer, Tommy. Ça me met pas du tout mal à l'aise. Pense à la pauvre fille là, qui a perdu sa mère la semaine passée du cancer. Là. Malaise, hein? Ben, la fille que tu veux, on s'en torche. Anyway, elle est morte. non, c'est toute sa famille. J'ai participé à une campagne de financement, la tête rasée pour les enfants, là, leucémique. Et on a gagné, j'ai gagné 22 000 $, hein, parce que j'ai gardé l'argent. J'ai bien plus besoin de 22 000 piastres que ces enfants-là. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça? Moi, tant que t'as pas le... tant que tu bottes pas, là, c'est comme, reste chez vous. Je dis n'importe quoi. Je te parle du suicide automnal, t'as remarqué? Le suicide automnal, la feuille décide de tomber. Hein, pourquoi la feuille tombe? Parce qu'elle ne se trouve pas belle en jaune. Ouais. Ben non, ben c'est une feuille, là. Parlant de filles... calmez-vous, vous me lancerez vos insultes plus tard. Je suis très ouvert. La fille, il y a une fille qui vient me voir au karaoké, hein, parce que je suis animateur. Puis là, elle me dit... Est-ce que je peux chanter la toune avec ma vraie voix? Attends. Je vais te la répéter pour que tu la saisisses. Est-ce que je peux chanter la toune avec ma vraie voix? Et bon, moi, je suis... Ben, comment je vais y dire quelque chose d'autre que crise de conne, tu sais? Qu'est-ce que je vais dire? Fait que là, j'ai dit, ben... Mais ta question, là, tu me l'as posée avec ta vraie voix? Fait que là, elle me dit, ben oui. Ben, j'ai dit, tu devrais t'en sortir. Calice de conne. Changement de sujet, Hitler. Son livre, là, ça se lit vite, hein, même si c'est épais. Bon, celle-là, je vais la garder pour une autre thématique. Y a-t-il une solution? Non! Peut-on changer notre destin? Oui! Ça, c'était ça. Sacré. Tu veux que je la refasse? Y a-t-il une solution? Non! Peut-on changer notre destin? Oui! Bon. Ouais? Ouais, mais c'est ça! Mais dans ce temps, toi, t'es mort! Pis moi, je suis tout seul dans cette enquête-là! Des fois, je pogne des affaires comme ça qui me... Tu parles à ton coéquipier mort? Voilà. Il était-tu à 2 jours de la retraite? 2 jours, Tommy. 2 jours de cette retraite! Hey, enquête à coup de paquet non. d'allumettes. Hein? Et de tatou. Et de tatou. Il semble que j'ai vu ça quand j'étais au Vietnam. Bullshit. Parlant de culture, moi, je couperais ça en deux, je garderais le cul. Anyway, clairement, c'est là-dedans qu'on l'a, là, la culture. Là, parce que... Sinon, hein, Noémie Dufresne, elle ne se ferait pas aller le best-seller. Le... Non, moi, si j'étais maître du monde, elle ne survivrait pas un like à la fois. Tantôt, je voulais jeter mon journal gratuit dans le métro et il y avait 2 options. Il y avait recyclage. Et là, j'étais là, ouais, c'est en papier. Et il y avait déchets. Tu sais, c'est le journal gratuit du métro. Fait que finalement, j'ai buggé, genre. J'étais comme... Et finalement, c'est un quêteux qui m'a sauvé la vie. Je vais le prendre comme une couverte. Il est parti avec. En tout cas. Et l'autre jour, il y avait un gars qui gueulait super fort dans ce métro-là. Mais j'écoutais la musique tellement plus fort que lui. Je sais même pas ce qui est arrivé. Je suis tanné de faire ça. On a terminé avec ça, la méditation. Méditation, parce qu'avec la tête que j'ai présentement, je suis un peu. Je peux aller faire t'es ça. T'es obligé d'introspecter. Voilà. L'autre jour, je méditais dans ma chambre, tout seul, nu, couché sur mon lit. Là, je méditais, tu sais. Puis là, maintenant, j'écoutais. J'écoutais le son de la vie. Et la vibration universelle circulait en moi. Et là, j'ai entendu... Et c'était un mini-éléphant, Tommy! Vous connaissez les mini-éléphants? Levez la main ceux qui en ont déjà vu. Je sais que tu m'en as déjà parlé, mais je n'ai jamais vu. Il y a un menteur... Et il y a quelqu'un qui a applaudi. C'est Soso. Oui, les mini-éléphants existent, mais on ne les voit pas. Non, mais c'est pas la même chose. C'est un hippopotame. Suis-moi, je te parle des mini-éléphants. Ce ne sont pas des cousins directs. Et les mini-éléphants, tu sais, c'est... ben, c'est difficile à il faut, tu peux juste les entendre, hein, dans un moment de silence, hein. Puis après ça, ben, tu peux comme les... Juste en suivant le... Tu peux... Les spotter. Tu peux les spotter, puis là, il est là. Fait que là, ben, tu peux y mettre un petit collier, hein? Avec une tout petite laisse, hein? Là, tu peux y donner un petit nom, hein? Comme Babar. C'est tout petit. Ça a juste 5 lettres. Ça brainstorme en esti, hein? Ben oui, mais je sais pas, moi, c'est un mini-éléphant. Puis là... Tu sais que ça a des tout petites mémoires. 2 gigs. Non, mais dans le temps, c'était beaucoup, mais aujourd'hui, tout petit. T'sais. Et j'ai le malheur de vous annoncer, hein, que mon mini-éléphant est décédé cette semaine, malheureusement. Oh. Et voilà. J'ai marché dessus. Mais je l'avais pas vu, c'est tellement tout petit. Fait que là, on l'a enterré, hein, dans un tout petit cercueil, hein? Avec une tout petite pelle, hein? Puis on l'a mis dans un tout petit cimetière. Avec une tout petite pierre tombale. C'est là-dessus, je finis. Ça me tentait pas. Je tentais pas de me trouver une fin, fait que... C'est une tout petite chronique. Et voilà. Merci, Mathieu, merci. On va le revoir tantôt comme VJ pour la soirée. Pour bien nous préparer à du David de Coteau. Tu connais David de Coteau, le réalisateur? Non, je ne connais pas, mais cinéaste. Je suis entendu en parler tantôt. Cinéaste, oh, okay, effectivement. Okay, ouais, c'est le cinéaste, un idéaste. Il souvent fait du début jusqu'à la fin. Souvent, il est tout seul à le faire aussi. T'es-tu gêné de montrer tes mamelons? Si je suis gêné de montrer mamelons, non. OK, c'est bon. On peut passer au prochain. Ben, Capitaine Québec, une blague. Oh mon Dieu. Ah ouais, une blague, c'est une fille. J'en connais pas en tout. Bon. Je suis pas ben bon là-dedans. Pas en tout. Excuse-moi. Là. Ah ben non, mais c'est correct. Ça en est déjà presque une. Ça en est une. Maintenant, les manchettes internationales avec Bruno Corbin. James Watt et Mark Dickey, les fondateurs de la brasserie BrewDog, font face à une poursuite au civil par la succession de Elvis Presley à cause de leur IPA au pamplemousse qu'ils ont nommé Elvis Juice. Ne se laissant pas décourager par cet incident, les deux hommes ont tout simplement décidé de changer leur nom légalement pour Elvis, proclamant que leur bière porte maintenant leur nom et non celui d'Elvis Presley. Les fondateurs ajoutent qu'ils considèrent poursuivre la succession d'Elvis Presley pour avoir utilisé leur nom sans leur permission sur tous ces enregistrements sonores, même avant qu'ils soient nés. Ils ajoutent qu'une autre brasserie qui s'est autoproclamée The King of Beers devrait considérer une poursuite également. Une poursuite, ben oui, ouais. C'est sûr. Hey, c'est donc bien bon, ça. Hein? Give it to the man, hein, Chris. Let's go, next! T'aimes-tu Bernie Sanders? Ouais. Là, tu décris ça à graine? Non. Mais ça, tu réalises que ce train de questions-là, cette arborescence-là, tu vas la revoir pas mal souvent. Ça dépend. Un homme de l'Alabama, lui, là... En effet, Joshua Hughes, 28 ans, a décidé de supporter son candidat Bernie Sanders en se faisant tatouer le slogan « Feel the burn » sur la longueur de son pénis. Feel the burn? Il est pas comme trop tard, tu sais. Ben, comme une game de ça à graines virée mal. L'homme affirme maintenant regretter sa décision depuis que Sanders n'est définitivement plus dans la course à la présidence. Hughes a dû demander à 3 tatoueurs avant d'en trouver un qui accepterait de lui tatouer le slogan sur son pénis. Le tatoueur en question affirme que le tatouage n'est pas très bien sorti vu la nature douloureuse de son emplacement, rendant le client agité et son travail difficile. Hughes considère maintenant se faire retirer le tatouage par traitement laser, une procédure qui, paraît-il, est encore plus douloureuse qu'un tatouage. He's gonna feel the burn! Feel the burn! Fait que là, le gars, dans son plan de match, il s'est dit, je vais payer de l'argent pour que quelqu'un mette des aiguilles dans mon gland, genre. Ouais. Et là, il est pas satisfait et là, il va payer de l'argent pour qu'un laser vienne brûler cette affaire-là. Calisse que c'est important, ses opinions. Et tout ça pour Bernie Sanders. Ouais, là, c'est feel the burn. Puis peut-être que son jeu de mots a jamais marché. Là. Il n'y a jamais une gente dame qui a dit « Oh mon toit! » Tu m'impressionnes. Mais tu quand t'es rendu à voir la graine du gars? Je veux dire, ça me surprendrait que « Ah, oh, Bernie Sanders, non. » Ah non. Moi, je suis libertarienne. Comment c'est porte à gauche? Ouais, c'est ça, exactement. Oh! Ah. Oh, une joke de pénis! Joke de pénis! Et politique en même temps! C'est souvent, ils sont souvent un peu ensemble. Guinantel et Mike Ward. Surtout Trump, il y a eu une seule et Mike Ward. Arc! Oui, ouais, ça vient d'être dit. Merci beaucoup, Vincent. On va t'écouter en stand-up dans quelques instants. Oui. Sinon, merci beaucoup à Bruno Corbin. Merci aux techniciens Alex et Maxime. Merci à nos chroniqueurs qui sont passés. On laisse en fait la scène à notre invité Vincent Richer pendant quelques minutes et ensuite on passe en clip. S'il vous plaît, on peut l'applaudir. Mesdames et messieurs, Vincent Richer, oui! Merci, merci. C'est trop, c'est trop. Alors, comme tantôt je disais, je suis vraiment un gros gamer rétro. Est-ce qu'il y a des gamers par applaudissement ici? All right! Hey, c'est pour vrai, je pense que c'est la fois où il y a eu le plus de gamers. Sinon, c'est toujours un gros silence et ma vie n'est qu'un tourment de dépression. J'aime vraiment les vieux jeux. Moi, j'ai trippé sur... vieux jeux, il y a encore des jeux de ça, mais les Sims. Ce que j'aimais des Sims, c'est que ça faisait sortir mon côté psychopathe. Je créais un personnage à bière noire qui s'appelait Jigsa. Puis là, j'invitais du monde chez nous, puis je les enfermais dans une pièce, puis je les regardais mourir. Tout le monde a fait ça, hein, right? Après ça, je prenais leur tombe, puis je les mettais dans ma cour. Ce qui est nice, c'est que j'aimais un policier qui venait cogner chez nous me poser des questions sur mon cimetière personnel. Puis même s'il faisait, je les invitais dans ma piscine, puis j'enlevais l'échelle. D'habitude, le monde rit. Là, vous êtes comme « Ouais, j'approuve! » C'est comme, c'est weird. C'est très weird. C'est comme une drôle de relation. Moi, c'est un autre avance que je me suis rendu dans les Sims, c'est que il y avait un glitch dans les Sims que tu pouvais aller appeler les pompiers, puis s'il n'y avait pas le feu, ça te coûtait juste une amende de comme 26 millions. Tu sais, fait que je me suis mis à abuser de ça. J'appelais comme 30, 40 pompiers chez nous. Puis là, tu pouvais modifier la musique du jeu. Fait que je mettais « The roof is on fire ». Les policiers commençaient à danser dans mon salon. La blague est pas très drôle, mais fallait être là. Fallait être à côté de moi à ce moment-là. Ce que je faisais aussi, c'est que je me suis mangé d'une de mes ex qui m'a trompé. Je créais un personnage qui s'appelait Julie, okay, comme elle. Puis je faisais 7 enfants, puis je la trompais devant elle, puis ses 7 enfants. Et je vous jure, c'est vrai, il y a un des enfants qui est mort de tristesse. Fait que là, elle est comme un peu tombée en dépression, tu sais, parce qu'elle était hantée par le fantôme d'un enfant triste, tu sais, qui mettait des assiettes devant sa porte puis elle pouvait pas sortir. Fait que pour soulager ses douleurs, je l'ai enfermée dans une pièce remplie de feu de foyer puis de tables de bois. Parce que selon la logique des Sims, c'est comme ça que le feu prend dans une maison. Puis là, elle a essayé d'appeler les pompiers, mais elle pouvait pas venir. Ils étaient tous dans mon salon en train de faire un rave. La boucle, ce boucle, hein? Un autre des jeux que j'ai vraiment apprécié, moi, c'est Zelda Ocarina of Time. D'ailleurs, si vous pensez que Zelda, c'est le petit bonhomme habillé en vert avec des oreilles pointues, décalisse! Non, mais en même temps, je vous comprendrais d'être mélangé parce que même Nintendo est mélangé avec ça. Ils continuent de faire des jeux où la princesse n'est pas dedans, puis ça s'appelle quand même Zelda. Fait que... Ça, c'est plus vrai que drôle, tu vois. Moi, Zelda, ce que je me suis rendu compte que c'est vraiment le Link. C'est vraiment le personnage le moins masculin, héros de tous les temps des jeux vidéo, hein? Une petite jupette verte, des collants, blond platine, son meilleur ami, c'est une fée. Pour lever certaines roches, il a besoin de la bonne paire de gants. Il court après les cœurs. Ouais, c'est ça. Il a vraiment une petite épée, c'est vrai. Son arme préférée, c'est un slingshot. Il y a beaucoup de signes. Puis, ce que j'aimais vraiment beaucoup dans Zelda, puis j'aimerais ça soit vrai dans la vraie vie, c'est que tous les problèmes dans Zelda se règlent en jouant de l'ocarina. Tu sais, il pleut dehors, tu joues de l'ocarina, il fait soleil. T'as pas de livre pour aller quelque part, tu joues de l'ocarina, il y a un cheval qui pop de nulle part. T'es puceau, tu joues de l'ocarina, tu restes puceau. Ça se joue pas, ça se règle pas en jouant de la flûte, quoique. Ce que j'aimais aussi, c'est que tu peux rentrer chez n'importe qui, prendre leur vase, les briser, voler leur rubis. Personne ne disait jamais rien. Si quelqu'un disait quelque chose, tu jouais de la flûte. Mais ce qui m'a marqué vraiment de Zelda, c'est les fucking poules! Ah, les poules. Moi, j'ai essayé un jour de sauter de deux galeries avec une poule. Ne faites pas ça, ça ne fonctionne pas. Ce n'est pas vrai que les poules sont assez fortes pour supporter notre poids. Mais c'est vrai que si tes attaques, il y a comme une armée de poules qui vient t'attaquer. Ça, c'est vrai. Un autre de mes jeux préférés, moi, c'est Mario Bros, d'ailleurs. Ce qui est drôle, c'est que Mario Bros, ils ont fait tous les jeux possibles de Mario Bros. Hein. Ils ont fait tous les sports, soccer, tennis, Dr. Mario. Ils ont fait 8 Mario Party. Puis, ils n'ont jamais fait Mario Plombier. Ça, c'est vrai. Mais mon jeu préféré de Mario Bros, ça a toujours été Mario Kart. Puis je parle pas des versions de marde à Wii, là. Je parle le vrai au Nintendo. Ce qui était nice dans Mario Kart, ça serait fou que ça soit vrai, hein. Tu sais, je veux dire, t'es sur l'autoroute, il y a du trafic, tu lances un éclair, tout le monde est minuscule, tu passes par-dessus tout le monde. Vous approuvez trop tout, qu'est-ce que je dis? C'est pas nice! Je sais. Moi, j'aimerais ça que la traque arc-en-ciel, ça soit vrai. Il y en a qui disent que ça existe déjà, ils appellent ça le LSD. J'aimerais ça que ça soit vrai, Mario Kart, parce que tu pourrais rouler sous, te ramasser dans l'autre voie, puis il y aurait un nuage avec une canne à pêche qui vient te remettre dans la bonne voie, tu sais. Un de mes jeux, par contre, je pense mon numéro 1 de tous les temps, c'est Mortal Kombat. Les jeux étaient incroyables, les films de Mortal Kombat étaient excellents. Je suis sûr que vous êtes des amateurs de ce film-là ici. Moi, je me suis rendu compte que Mortal Kombat, c'est le pire jeu à jouer avec ta blonde parce qu'elle fait tout le temps le même move, B, flèche en bas. Puis là, elle te pogne dans un coin et elle finit là. Non, mais les filles sont même dans la vraie vie, hein. Quand ils trouvent un piton qui fait mal au gars, ils vont peser dessus jusqu'à ce que tu crèves, aussi, hein. C'est ça, Mortal Kombat. Mais par exemple, ce qui m'a marqué de Mortal Kombat, c'est la toune de Mortal Kombat. C'est qui, ça? C'est quelqu'un, là, c'est quelqu'un, lui. Un jour, il est rentré en studio. Ils ont donné des écouteurs devant un micro. OK, 3, 2, 1. Merci, vous l'avez 20$. C'est un autisme. Peux-tu l'avoir comme réveil matin? 6h30. Fais un flip. Finish him. Moi, là, vous êtes tous des gamers, fait que ça marche plus ou moins, mais je pense que si vous n'êtes pas un gamer, tout le monde en a un gamer en dedans de nous, un geek surtout. Tu sais que t'es geek quand, devant les portes qui s'ouvrent seules au centre d'achat, tu peux pas t'empêcher de faire comme si t'avais la force. Tu sais que t'es geek quand, dans un parc, tu vois un écureuil, puis t'aimerais donc ça avoir une balle rouge et blanche pour l'attraper et l'entraîner à se battre contre ton chat. Tu sais que t'es geek quand t'aimerais être brigadier pour un jour pouvoir dire « Vous ne passerez pas! » Tu sais que t'es geek quand tu peux rester des heures devant des vers de terre à espérer qu'ils se tirent du bazooka. Tu t'attendais pas à avoir une joke de worms, hein? Tu sais que t'es geek quand t'es dans un show rock pis que le guitariste rate des tunes pis des notes pis tu dis « Lève ta guitare! » Fais ton star power! tu sais que t'es geek quand t'es dans un bar puis que tu vois un gars un peu trop saoul, même qui se balance, puis t'entends une voix dans ta tête qui dit « Finish him! » Hey, vous avez été vraiment nice. Merci à vous autres. Bonne soirée. Merci, Vincent Richer, mesdames, messieurs. Il y a l'expérience, hein? Il a pris le temps de vous mentionner que vous étiez nice. Ça, c'est apprécié. Rendu là, c'est le moment de la soirée où on va sortir les projectiles et écouter les trouvailles de nos deux VJ sélectionnés sur le volet. Je pense que c'est Jean-Sébastien qui commence, si j'ai bien vu. Donc, à partir de maintenant, on fait ça civilisé. Puis, si vous avez des opinions, on est content de vous entendre les gueuler. Je vais... Oui, voilà. Donc, dans quelques instants, je vais arrêter de parler. Et moi aussi, j'ai hâte à ce moment-là. Voilà. À tantôt. Les lundis douteux. Chaque lundi, depuis 10 ans, au pub Brouhaha, 5860 avenue de Lorinier. Chaque semaine, un film louche, un humoriste de la relève, l'enregistrement en direct de 70% et un set de VJ invités. Les lundis douteux. Apporte ton sourire et tes cousines, puis dis-leur que c'est toi qui paies parce que c'est gratis. Hey, salut tout le monde! Aux courageux qui sont encore avec nous, c'est l'heure tant attendue de l'encandouteux.org, histoire de nous aider à financer ces belles soirées-là. On va commencer tout de suite, sans plus tarder, par notre premier item, un chandail. On ne prend que les dollars canadiens. C'est un chandail format femme, de ce que je peux constater sur Tommy Godette. C'est écrit « Come to the dark side, we have cupcakes ». C'est cute, c'est cute. Alors, qui me donne 1$ pour ce magnifique chandail? J'ai 1$ ici. Est-ce que j'ai 1$50? Est-ce que j'ai 1$50? C'est beau, c'est beau. On a 1$50 ici. Est-ce que j'ai 2$? Est-ce qu'on me donne 2$? 2,50. J'ai 2,50. 3$ ici. Alors, j'ai 3$ ici. Est-ce que j'ai 3,50$? J'ai 3$ une fois. J'ai 3,50$ dans le fond à Mathieu Boudreau. Ça va te faire, ça. C'est sûr. Alors, j'ai 3,50$. Est-ce qu'on me donne 4$? Est-ce qu'on me donne 4$ pour ce beau chandail? 4$? Alors, j'ai 3,50$ une fois. 3,50$ deux fois. J'ai 4$! On vient de se réveiller dans le fond là-bas. Alors, j'ai 4$ une fois. Est-ce qu'on me donne 4,50$? 4,50$ pour bien paraître et avoir un petit message à consonance satanique sur le dos. Alors, 4,50$? J'ai 4,50$ pour Mathieu Boudreau dans le fond. Est-ce qu'on y va jusqu'à 5$? Est-ce qu'on me donne 5$ pour ce beau chat? J'ai 5$, un beau Wilfrid, pour ceux qui ont suivi la soirée depuis le début. Alors, j'ai 5$ dans le fond. Est-ce qu'on me donne 5,50$? J'ai 5$ une fois. 5$ deux fois. 5,50$, ma foi, c'est la surenchère. C'est les VJ de la soirée qui peuvent pas s'entendre. Alors, j'ai 5,50$. Est-ce qu'on me donne 6$? J'ai 5,50$ une fois. 5,50$ deux fois. 5,50$ trois fois vendu! Au petit monsieur avec pitch-feu dans le fond. Alors, on va passer tout de suite à notre prochain item, un item d'actualité. Pour tous ceux qui veulent embarquer dans le bandwagon de ceux qui vont gagner la prochaine série mondiale, et j'ai nommé un beau, beau, beau gros macaron des Blue Jays de Toronto. C'est écrit dessus « Variety Club Blue Jays Day, July 21st, 1985 ». 1985, alors c'est vintage en plus, comme ça vous pourrez pas dire « Non, non, je viens juste de commencer à compter pour eux autres parce qu'ils ont du succès en série. » là. Alors, ça c'est pour les vrais de vrais. Alors, on me donne 50 cents ici, j'ai entendu 50 cents. 50 cents, est-ce qu'on me donne 1$? Alors, est-ce que j'ai 75 cents pour ce beau macaron? A-t-il été porté pendant un souper presque parfait? C'est vrai que ça aurait monté la valeur. Oui, oui, il était dans son sac. Il était dans le sac. Il était dans le sac. 75 cents. Alors, j'ai 75 cents une fois pour Ben. J'ai 1$ dans le fond. Alors, j'ai 1$. Est-ce que j'ai 1,25? Est-ce que j'ai 1,25 ici? Parfait. Est-ce que j'ai 1,50? J'ai 1,50. Yes, sir, Ben. Je savais que je pouvais compter sur toi. Est-ce qu'on me donne 1,75 pour ce magnifique macaron de format très large? Là? C'est un gros macaron. Là. 2 $! 2 $! Excellent. Est-ce que quelqu'un me donne 2,25 $? On veut monter par pièce. Ah oui, on est rendu à 2 $, on monte par pièce. Va falloir qu'on s'explique les rapports. Ouais. OK, 2,50 $. Est-ce qu'on vous donne 2,50 $ pour ce beau macaron? Alors, j'ai 2 $ une fois. 3,50 $ pour Ben qui n'a pas trop suivi. C'est bon, 3,50 $. Bon travail, non? J'aime tes mathématiques, c'est parfait. Alors, j'ai 3,50 $. Est-ce qu'on me donne 4 $? Est-ce que j'ai 4 $? 3,50 $ une fois. 3,50 $ deux fois. 3,50 $ trois fois. Vendu, Ben! Yes, sir! Non, c'est, à 3,50 $, t'as rien à dire. À 5 $, tu pouvais dire un mot. OK, alors on a notre dernier item. Un merveilleux 45 tours, la grenouille et la baleine. Je sais pas, sors-les, là. Oh, attends! Raconté par Claire Pimparé. Hein? Alors, j'ai 5 $. On commence les enchères à 5 $. Est-ce qu'on me donne 6 $? 6 $ ici. Alors, j'ai 6... 10? J'ai 10 $ ici. Au monsieur qui a une table tournante, dans le fond. Alors, j'ai 10 $. Est-ce qu'on me donne 11 $? 11 $? J'ai 15 $. Est-ce qu'on me donne 20 $? 20 $ ici. 20 $ ici. Qu'est-ce que tu dis là-dessus, Bruno? 30 $! Là, la fille est en train de payer. Là, c'est le temps de retirer de l'argent, là, si tu veux. Là. Fais une demande de fonds. Elle appelle sa compagnie de crédit. Eh oui. Alors, j'ai 30 $ pour l'instant. Est-ce que tu surenchéris? Elle a abandonné, Bruno. Alors, j'ai 30 $ une fois. 30 $ deux fois. T'aurais dû prendre une pinte de moins. 30 $ trois fois vendu! On remercie, Bruno. Ça va bien aller dans ta collection. Ta collection de 33 tours des comptes pour tous. Alors, je vous laisse entre les mains de Tommy Godette qui va nous parler du film de ce soir. Merci beaucoup, Emmanuel Côté Seguin, mesdames, messieurs. Collaborateur précieux. Donc, dans quelques instants, je vais vous laisser aux mains d'un réalisateur lubrique. Lubrique, un adjectif qui, jadis, était quelque chose qui faisait peur à Jésus. De nos jours, c'est très interprétable. Hein? Vous avez vu le clip que Miley Cyrus sortait sa langue? Ouais, c'est ça. OK. Bientôt, oui, il y a Xavier qui va passer le Yuki. N'hésitez pas à lui insérer ce que ça vous tente en arrière. Et soyez sûr qu'on goûte à tout. Voilà. Merci, Xavier. Dans quelques instants, on va écouter un film de David Decoteau. David Decoteau, c'est un réalisateur canadien qui a une feuille de route extrêmement étoffée. 5 périodes sont pas mal connues ou entre connaisseurs établis pour sa carrière de cinéaste. La première, il a été découvert en tant que réalisateur à l'âge de 18 ans par Roger Corman. Oui. Déjà dans les grandes ligues. Et donc, il a réalisé une petite période de films folichons. Le pic, c'est certainement Dr. Alien, un excellent long-métrage de 1985. En 87, David Decoteau trouvait que sa carrière grimpait pas assez vite. Il a décidé d'aller réaliser des films de porn gay hardcore. Tu sais, mettons un sac de couilles qui va cogner sur un autre sac de couilles, genre. Ouais. C'était sa deuxième étape. Sa troisième étape, c'est à partir de 1995 et le film qu'on va écouter vient de cette étape-là de sa carrière. Le film qu'on va écouter vient de l'étape de la carrière de David Descoteaux qu'on appelle « Satanisme en bédaine ». Et quand je parle de bédaine, je parle de mamelon, je parle d'un nombril, mais aucun poil. Aucun poil. Le film de ce soir traite du domaine du jeu de rôle, du LARP un petit peu. En fait, je fais les coins ronds, là, mais dans quelques instants, la perte de temps va devenir drôle. Vous allez voir, là, la caméra fait du musique plus comme ça, tu sais. Et il se passe rien longtemps. Après 20 secondes, tu dis « Calisse que c'est plate ». Mais après 30 secondes, tu fais « Come on ». Et là, tu commences à rire. David Descoteaux, le film qu'on va écouter, c'est du moins 7. Fait que venez-en à être d'accord avec mon opinion. On va vraiment avoir du plaisir. On est devant un objet culturel. En fait, la série des Brotherhood, là, on écoute le 3 et ça va jusqu'à 7. Et parce que c'est un réalisateur canadien, souvent, ses affaires sont traduites en français. On aime ça. Hein? Et ce soir, on a une version francophone d'un long métrage qui a été tourné en anglais par des modèles de catalogue Sears. Y a beaucoup de mamelons masculins. Si ça vous met pas à l'aise, vous êtes pas à bonne place. Il y a une sortie là, il y a une sortie là-bas. Vive le poil. Non, on écoute un film de David Descoteaux. Mon nom est Tommy Godette. Je vais être là lundi prochain et à chaque lundi pour tout le temps. Merci d'être là. On est sur Facebook, on est ailleurs. Posez-nous des questions. On en a, nous autres aussi. Merci beaucoup. Merci. I never lose. Parce qu'on sait que c'est important d'assumer qu'on ne perd jamais, parce que c'est dans la victoire qu'on mature, qu'on devient meilleur. Mon nom est Tommy Godette, je vais être votre hôte pour cette soirée. Encore une fois, le meilleur show gratuit du lundi au monde. On est très content de vous avoir avec nous pour une soirée qui va se terminer avec un excellent long métrage d'un réalisateur canadien qui s'appelle David Descoteaux, un D et un C majuscule. Le gars, il y a une maison à Montréal et une à Los Angeles et il est vraiment beaucoup gay. Et ça paraît beaucoup dans son cinéma. Il est très open avec ça et tant mieux pour lui et ceux qu'il rencontre sûrement. David Descoteaux, il y a eu 3, 4, 5 périodes, même il est comme rendu à la 5e période de son cinéma. Et nous, ce qu'on va écouter, ça va être un film qui est tiré de sa 3e période, qu'on appelle entre nous la période sataniste en bédaine. Et c'est sur fond de Donjons et Dragons dans une école, genre LARP 3D, tu sais. Et il y a vraiment beaucoup de gars pas de poils en bédaine. Et si vous êtes allergique à la perte de temps, vous n'allez pas aimer le film, tandis que moi, je trouve que le temps est tellement gaspillé qu'on en vient à être crampé d'un bout à l'autre. Et donc, un excellent film de David Descoteaux. On est à moins 7, certains. Juste avant, on vous a préparé. On était supposé y aller d'un petit pot pourri de l'organisme parce que il y en a qui disent « Moi, j'ai 15 minutes de clip. » Il y en a d'autres qui disent « Moi, je n'ai 20. » Et voilà. Puis là, finalement, je me suis dit « Ceux qui en ont le plus, c'est JS et Mathieu Boudreau. Fait qu'on va lui laisser le contrôle, puis arrivera ce qu'adviendra. Les deux sont experts, chacun dans leur facette, et je pense que ça va faire une très belle période de appetizer pour se garder en forme pour le film. Juste avant, on a 70% avec Vincent Richer, un humoriste corrosif de la relève qui n'a pas peur de dire tout haut ce que les autres pensent tout bas. On va lui parler à 70%. Et pour commencer cette belle soirée, hein? Parce que ça va se finir tard. On a Jérémy Alain, mesdames, messieurs. S'il vous plaît, on l'applaudit. Oui! Thank you, Tommy. Bonjour tout le monde, vous allez bien? Oui! Moi, je suis malade, c'ti, tabarnak. Je suis pas le seul, hein? Je pense que j'ai parlé à 4 personnes. Je suis comme, hey, je peux pas te serrer la main. Il y a la grippe, c'est comme, ah, moi, tout. Ouais, ça, je m'en ai testé des blagues avec vous autres, fait que ça se veut dire, il y en a que ça va être drôle, puis il y en a que ça se peut, je me pète la gueule totalement, fait que est-ce que c'est bon avec vous autres, ça, tout le monde? Les autres? C'est une gang qui goûte beau, en tout cas, peu importe. Ouais, ça, moi, j'habite à Montréal depuis 3 ans, dans le coin... Oh, tabarnak, Quand je dis que je viens de Montréal, quand j'habite à Montréal, ils font comme ah, nice, on va lui donner du son, les petits enculés. Hein. Ok, fait que c'est cool, je peux continuer, tout va bien. Ok, on m'envoie le pouce. Ok, cool. Moi, je viens de. J'habite Montréal maintenant, puis j'habite dans le coin Tabarnak. Dans le quartier Saint-Michel. Y en a-tu qui habitent dans ce coin-là? Non? Tu sais, le quartier où le monde se tire, là? Non, mais sérieusement, moi, j'habite genre du bon côté, fait que ça, c'est cool. Puis, qu'est-ce qui est le fun? T'sais, moi, j'habite genre dans un sous-sol où c'est que. Man, c'est un 4,5, c'est vraiment grand. C'est chauffé, éclairé, Internet. Je paye 416$ par mois. Puis en plus, ma propriétaire me donne tout le temps des raisins. Je sais pas pourquoi, mais je suis fucking content pour ça. Mais le seul problème, c'est vu que je suis dans une cave, quand c'est humide, il y a souvent des bibites d'humidité, là. Hey, tu sais de quoi je parle, hein, man? Genre, c'est comme des mille pattes, des centipèdes. Je sais pas trop comment ça s'appelle. Man. Moi, chaque fois que j'en vois un, man, gros, je la tue. Je suis comme... Puis, oh, man, je la laisse là. Je la laisse pas là parce que je suis crotté. Je la laisse là pour faire passer un message, OK? Moi, je veux que ces chums, est-ce qu'ils sachent c'est qu'est-ce qui leur attend s'ils me font chier, OK? This is my hood. Don't mess with me, bro. Merci. T'es beaucoup trop éduqué pour moi. OK. Fait que c'est ça. Fait que ça, c'est la raison pourquoi j'ai tué et j'ai laissé là. L'autre raison, moi, je viens de Gatineau. Fait que oui, c'est ça. Fait que comme tout le monde qui vient de la région, quand ils habitent à Montréal, quand ils emménagent à Montréal, ils ont peur. Ils ont peur un genre de... Ils ont peur des crimes, des guns, des gangs de rue. T'sais, ils ont peur de se faire taxer, ils ont peur de se faire battre. T'sais. Moi, j'avais pas peur de ça. Moi, j'avais juste peur de me faire violer. Pour vrai, j'avais tellement peur de me faire violer, c'est effrayant. Si quelqu'un serait venu me taxer, j'aurais fait « Gars, merde, c'est chill, tu peux prendre mon portefeuille, tu peux prendre mon cellulaire, mais prends pas mon rectum. » Prends pas mon rectum. Il est pas assuré contre le feu, vol, vandalisme. OK, là, man? Non, mais ça aurait été drôle, pareil, que ça m'arrive. Puis là, j'appelle mon assureur, je fais comme... Ouais, me suis fait défoncer. Non, non, dans les deux sens. Dans les deux sens, je veux dire. Ah, ouais, OK, il était combien? Comment ça s'est passé? Ben, il est arrivé par la porte d'en arrière. S'ils étaient deux, ils ont pris chacun leur bord. Hey, à ta minute, là, t'es assuré juste un bord, toi. Fuck! Tabarnak! OK, j'avoue, elle était moyenne, OK? Puis, tu sais, comme chaque... tu sais, moi, comment j'ai grandi, c'est avec un père, une mère, tu sais. Toute ma vie, j'ai juste vu un homme avec une femme. Tu sais, à la TV, c'est juste un homme avec une femme. La société, c'est un homme avec une femme. Puis moi, la première fois que j'ai appris c'était quoi l'homosexualité, c'est dans le film « Histoire de peine ». Je sais pas s'il y en a qui ont écouté ce film-là, mais je vais vous le résumer, OK? Là? C'est l'histoire d'un gars... qui s'en va en prison puis qui se fait enculer. Okay? C'est pas mal juste ça qui se passe. Pour vrai, man, là, c'est la première fois que j'ai appris c'était quoi l'homosexualité et le non-consentement. Deux affaires tu devrais jamais apprendre en même temps. Okay? Surtout pas quand t'as 11 ans. Okay, là? C'est beaucoup d'informations quand ton dernier film, c'est Toy Story 2. Okay, là? Moi, je faisais plein d'allusions. Après ça, j'étais comme Chris quand Woody embarque sur Buzz Lightyear puis il crie « Vers l'infini, plus loin encore! » J'étais comme « Tabarnak, qu'est-ce que ça voulait dire, ça? » Mais sérieusement, ce film-là, là, ça a traumatisé ma vie sexuelle à jamais, OK? Merde. Man, chaque coup que le gars donnait était un traumatisme de plus. Chaque coup, man, effaçait des souvenirs de jeunesse que j'avais, man. C'est vrai, man. Noël 98, c'est comme « Bang! » C'est la première fois que j'ai embrassé une fille. « Bang! » La première fois que quand j'ai vu grand-maman tout nu, la première fois, « Bang! » Non, celle-là, ça, c'est un bon souvenir à plus se souvenir, justement. Ah, merde, ça m'a fucké ben raide, si j'ai l'impression de me souvenir de mon texte. C'est ça. Fait que là, moi, le crémeux, toute ma vie, toute mon adolescence, là, j'ai fait en sorte de me tenir très loin de la prison et de la criminalité, OK? Mes chums, là, faisaient comme « Hey, Jer, on s'en-tu faire des sons des Christ? » Moi, j'étais comme « Personne va m'enculer ici, OK? » Hey, chien, tabarnak! Mais là, même aujourd'hui, man, ça m'a rendu paranoïaque, ce film-là, pour vrai, là. Tu sais, moi, maintenant, là, quand je rencontre une fille, là, quand je parle à une fille sur Internet, puis elle me demande c'est quoi mon numéro de téléphone, avant d'y donner, il y a tout le temps la phrase d'un tueur si proche qui me trotte dans la tête. qui dit « Et si un tel drame se préparait dans votre entourage, sauriez-vous le voir venir? » Calisse-moi, je vais le voir venir en tabarnak. Puis là, c'est sûr que même à chaque fois, comme genre, j'arrive pour aller dater une nouvelle fille en quelque part, là, man, je laisse tout le temps une note aux enquêteurs chez nous, au cas où que je me fais kidnapper. Là. Puis je marque « Son nom, c'est Valérie Vaillancourt. Suivez la map que je vous ai faite. Je suis peut-être caché dans un bois où c'est qu'un X. » Grouillez-vous, j'ai des vives seulement pour deux jours. Pourquoi vous êtes pas là? Vous voulez m'enculer? C'était ça l'affaire. Hey, je vous laisse là-dessus. Tout le monde passe une excellente soirée. C'était Jérémy Alain, mesdames et messieurs. On l'applaudit.